Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Le premier titre de cet épisode de Copie non conforme est un hommage à Dick Rivers qui nous interprète la version française de Solitary Man, morceau de Neil Diamond paru en 1966. Tu es l'enfant du ciel et de la lumière, l'onde éclair comme le miel. Moi je viens du pays du bout du monde, j'aime l'ombre, toi le soleil. Tu me vois déjà à genoux. Tu voudrais m'aimer, que sais-tu de moi? Regarde-moi bien, personne ne m'aime, personne ne m'aime. Tu as le regard aussi doux que le cœur, et tu pleures. Quand je pars, moi j'ai les yeux sombres et l'orgueil au fond du cœur. Dans ce monde, je vis seul. Don't know that I will, but until I can find me, copie non conforme. Diabologum a repris un bout du dialogue du film « La maman et la putain » qui date de 1973 et a rajouté de la musique. Les Montpelliérains de Department en ont fait une adaptation en retravaillant les arrangements musicaux. Regardez, je commence à être saoul et je bégaye. C'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Je dois rester tout le temps avec vous. Moi, je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en bouille de mie, d'un air sournois en pensant. Oui, ma petite, tu peux toujours poser, mais je t'aurai. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, est-ce que c'est une pute? Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute? Il y a que des cons, il y a que des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gay. Et je me fais baiser par n'importe qui, et on me baise, et je prends mon pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de pute? Le sexe. Tu me baisses bien, là, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante, la chose horrible et sordide, mais putain, la chose sordide et horrible. Si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. J'ai fait des pucelés récemment, 20 ans, 19, 20 ans. La chose récente. Et après, je me suis fait baiser. J'ai pris un maximum d'amants. Et je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant, le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire en cloquer, ça me fait chier un maximum. Voilà, j'ai un tout pas devant le cul pour me faire enlever, pour me faire baiser, pour en faire un maximum. Pour m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde. Qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. Tant d'hommes m'ont désiré. On m'a désiré parce que j'avais un gros cul qui peut être éventuellement désirable. On m'a souvent baisé comme ça, tu sais, dans le lit. On m'a souvent désiré comme ça. Regardez, je commence à être saoul et je bégaye. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille de mie, d'un air sournois en pensant. Oui, ma petite, tu peux te reposer, mais je t'aurai. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui. fille qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, n'est pas une pute. D'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, je ne sais plus de pute. Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute? Il y a que des cons, il y a que des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gay. Et je me fais baiser par n'importe qui. On me baise et je prends au pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baises bien, hein, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Quand les gens veulent se pleurer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'à toi, il n'y a qu'à moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. C'est la chose amusante. Dans une histoire de cul. Je suis débutée récemment à 20 ans, 19-20 ans, la chose restée. Et après, je me suis baisée. J'ai pris un maximum d'amour. Je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant, le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire recloquer, ça me ferait chier un maximum. Hein. Pour le faire enlever, pour le faire baiser, pour en faire un maximum, pour m'exciter un maximum, hein, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde, qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant. Tristesse n'est pas un reproche, vous savez. C'est une vieille tristesse qui traîne depuis 5 ans. copie non conforme. Dazed and Confused est un titre qui a été rendu célèbre par Led Zeppelin en 1969, sur leur premier album. La chanson a été écrite en 1967 par le chanteur folk Jake Holmes. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. You heard an abuse telling six days ago. Bobby and shoes, but I'd just like to know. Give me a clue as to where I am at. I feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead than I. Can't stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. Forme. On va écouter maintenant le titre The Book of Love qui date de 1999. La version originale est de The Magnetic Fields, la reprise de Peter Gabriel en 2004. Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb, but say me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you things, and you are to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you. To give me wedding rings. You are to give me wedding rings. Dernier titre de cet épisode de Copie non conforme sera le All My Lovin' des Beatles, interprété également en version guitare et voix par Amy Winehouse. Close your eyes, again I'll kiss you. remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that your drink will come true. And then while I'm away, your eyes, and I will kiss you, 'cause tomorrow I'll miss you. Remember, I will always be true. And then while I'm away, that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. A plu? Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut! Yeah.